Le Husky et Je vous aime, mes amis, ça c'est la 8e position francophone dans le palmarès de Sifu pour la semaine du 18 janvier. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de parler informatique avec le fil informatique. Le successeur de Windows Vista pourrait être lancé dès l'an prochain, soutiennent des sources anonymes qui se confient sur le web depuis quelques jours. L'article vient de branchezvous.com. Selon le webzine TG Daily, une version préliminaire de Windows 7, anciennement surnommée Vienna, aurait été envoyée à quelques partenaires de Microsoft afin qu'ils commentent les nouvelles fonctions du système d'exploitation. Le webzine, qui s'appuie également sur une feuille de route de Microsoft envoyée à ses partenaires, affirme que le successeur de Windows Vista pourrait être disponible dans la deuxième moitié de 2009 et non en 2010, comme ce qui était initialement prévu. Un membre du forum de discussion Neowin.net soutient par ailleurs avoir testé cette version préliminaire, trouvant son interface graphique similaire à celle de Vista. Kenipnet, son nom, qui est peut-être le nom du gars sur Neowin.net, qui se dit déçu parce qu'il a essayé. Il a ensuite supprimé son message quelques heures plus tard sans expliquer pourquoi. En juillet 2006, on rappelle que Steve Ballmer, le directeur général de Microsoft, avait promis aux investisseurs de Microsoft que le nouveau système sera lancé plus rapidement que Windows Vista, dont la sortie est survenue 5 ans après celle de son prédécesseur Windows XP. Pour lire le blog d'un employé de Microsoft qui travaille sur le prochain Windows, allez voir le site de l'émission, le mplante.wordpress.com. C'est là que vous allez trouver les liens de tous les articles aujourd'hui et de tous les sites dont on va parler pendant l'émission. D'après une nouvelle étude faite par les scientifiques de l'Université Wayne State aux États-Unis et de l'Institut Karolinska en Suède, l'utilisation du téléphone cellulaire avant d'aller au lit a des répercussions négatives sur le sommeil. Cette enquête commandée par le Mobile Manufacturers Forum, un organisme à but non lucratif regroupant plusieurs fabricants de cellulaires dont Motorola et Nokia, montre que les gens qui utilisent un cellulaire avant de dormir ont plus de difficultés à atteindre les étapes de sommeil profond. Rappelons que le sommeil profond sert entre autres à reposer le corps. L'étude a été faite sur 35 hommes et 36 femmes âgées de 18 à 45 ans. Certains d'entre eux ont été exposés sans le savoir à des ondes d'un cellulaire. Les personnes qui ont été exposées aux ondes ont pris plus de temps à atteindre la première phase du sommeil profond. Elles ont également passé moins de temps dans l'étape du sommeil le plus profond. L'un des chercheurs, le professeur Bengt Arnett, croit que le rayonnement des cellulaires a un rôle significatif sur les régions du cerveau responsables du stress. Ça signifie que les individus qui ont utilisé un téléphone cellulaire avant de se coucher ont plus de difficultés à relaxer et à s'endormir. Incroyable nouvelle. En partenariat avec le site de partage de vidéos Kaltura, les articles de l'encyclopédie en ligne Wikipédia pourront bientôt être adjoints de vidéos. En effet, Kaltura, un pionnier mondial en matière de médias collaboratifs, offrira sa plateforme aux usagers de Wikipédia qui pourront désormais publier des vidéos, des diaporamas et des animations qui pourront être inclus dans les articles. Comme pour le contenu texte et images qui se trouve actuellement dans l'encyclopédie, un usager pourra modifier les contributions d'un autre. Pour l'instant, aucune vidéo propulsée par Kaltura n'est implantée dans Wikipédia, mais le Wiki Educator, qui propose des contenus ludiques gratuitement, teste présentement la plateforme développée par Kaltura. Elle devrait ensuite être greffée à Wikipédia. La directrice exécutive de la fondation Wikimedia, qui est responsable de Wikipédia, s'est dite ravie de travailler avec une entreprise qui supporte les logiciels libres et les standards ouverts, puisque tout le contenu vidéo et audio des projets de Wikimedia est diffusé à l'aide de formats libres, tels que Ogg Vorbis et Ogg Theora, qui peuvent être écoutés avec des logiciels gratuits. Ça complique la vie un petit peu des utilisateurs qui doivent aller se chercher un logiciel ou un pilote pour lire ces vidéos, mais au moins c'est à source libre, contrairement au MP3 par exemple. Un article de Canoë.com qui demande « Question. Pourquoi une personne qui utilise l'Internet de façon normale devrait-elle payer le même prix qu'une personne qui en abuse? Hein? » Note, la définition des mots entre guillemets peut varier d'un individu à l'autre, le mot « normal » et le mot « abuse ». Abuse, voilà. Le fournisseur américain Time Warner s'est posé la même question et a décidé d'innover en lançant un nouveau système d'abonnement à titre expérimental qui cause controverse sur le web en ce moment. Selon ce système, les gros utilisateurs d'Internet paieront davantage que les autres. Selon un porte-parole de Time Warner, 5% des clients peuvent utiliser jusqu'à 50% de tout le réseau, ce qui est vraiment énorme, d'où la nécessité d'intervenir, ce qui n'est pas faux non plus. La première expérience du genre se déroulera à Beaumont, au Texas, probablement au printemps, mais la grille de tarifs n'a pas encore été dévoilée. Aucun détail non plus sur le nombre de téléchargements permis par ces catégories. Cette nouvelle façon de facturer ne s'appliquera qu'aux nouveaux clients et non les clients qui sont là depuis toujours. Certains observateurs estiment que cette formule va définitivement s'imposer. C'est le cas de Mark Seary de la firme Ovum qui dit, et je cite, « C'est difficile d'imposer un prix correct, sachant que s'il n'y a pas de limite, certains vont abuser, notamment en téléchargeant des tonnes de films ou de documents vidéo. L'idée est de savoir qui utilise combien et de lui imposer un prix en conséquence. Au Québec, Vidéotron offre déjà une grille de tarifs selon la vitesse désirée et selon l'utilisation qui en est faite. Au-delà d'une certaine limite, des frais de 1,50 $ à 8 $ sont imposés pour chaque gigaoctet supplémentaire. Pour vous donner une idée, un film en haute définition utilise entre 4 et 5 gigaoctets par rapport à 1 ou 2 gigaoctets pour un film normal. Plusieurs grands fournisseurs de services américains auront les yeux rivés sur cette expérience puisque ce sera une première chez les Américains. Plutôt que d'attendre, ils pourraient voir comment ça se passe chez nous, dit l'article de Canway.com. Après quelques jours de rumeurs sur les sites spécialisés, Yahoo a annoncé, oui, l'adoption officielle du standard d'identification open source OpenID 2.0 pour l'ensemble de ses 248 millions de comptes utilisateurs. Là, on parle de Yahoo, on parle de Flickr et de tous les sites dont Yahoo est propriétaire. Donc, ça triple d'un seul coup la base OpenID, jusqu'à présent limitée à 120 millions de comptes. Accessible dès le 30 janvier prochain à l'adresse mi.yahoo.com, ce service devrait permettre aux utilisateurs de Yahoo de disposer d'identifiants communs à plusieurs sites utilisant également ce standard d'identification. Le modèle OpenID repose sur l'utilisation d'informations de connexion communes à plusieurs sites et services web. L'un d'entre eux joue le rôle de dépositaire de ces données et assure l'identification de l'utilisateur auprès des sites compatibles avec ce standard-là. Au lieu de créer un compte lors de la connexion à un site web compatible OpenID, tu peux par exemple fournir tes identifiants Yahoo et tu vas pouvoir te connecter. Le site en question enverra alors une requête avec les serveurs de Yahoo. Voilà. Une fois l'identité confirmée, vous êtes invité à accepter le transfert de certaines des informations personnelles de Yahoo vers le site en admettant que celles-ci soient requises pour l'inscription. OpenID permet de ne plus utiliser qu'un seul identifiant pour se connecter aux différents sites compatibles sans qu'il soit nécessaire de renseigner à chaque fois ses informations personnelles. Donc, cette adoption massive pourrait permettre à OpenID de s'imposer comme le standard d'identification en ligne, d'autant que le consortium bénéficie également du soutien de Microsoft, de Google et d'AOL. Ces dernières n'ont toutefois pas encore décidé de généraliser ce système d'identification à l'ensemble de ses utilisateurs. Google à la fibre philanthropique, dit Clubic.com. Google.org, la branche dédiée du spécialiste des technologies de recherche web et des liens sponsorisés, va investir plus de 25 millions de dollars dans de nouveaux projets avec ses partenaires et mettre ses équipes à contribution. Des travaux couvrant 5 grands projets sont concernés. Prévenir les événements écologiques et sociaux avant qu'ils ne se transforment en désastres sur l'Asie du Sud et l'Afrique tropicale. Améliorer la diffusion de l'information pour optimiser les services destinés aux plus démunis en Inde et en Afrique orientale. Stimuler la croissance des PME, développer une énergie renouvelable moins chère que le charbon et enfin accélérer la commercialisation des véhicules plug-in qu'on appelle Recharge It. Donc, et je cite, nous avons sélectionné ces 5 projets parce que nous pensons en les résolvant pouvoir offrir à nos enfants et petits-enfants et à tous nos contemporains un monde meilleur, plus équitable et plus sûr, mais aussi parce que ces grands projets correspondent bien aux forces fondamentales de Google. C'est ce qu'a dit Larry Brilliant, le directeur exécutif de Google.org. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement des fondateurs de Google, les désormais trentenaires Larry Page et Sergey Brin, à savoir consacrer 1% des capitaux propres et 1% des bénéfices annuels de la société à des œuvres philanthropiques. 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en termes de quand t'as des milliards de dollars, 1%, c'est beaucoup. Ça se tenait pas comme phrase, mais 1% de mon salaire, c'est pas énorme, mais 1% du salaire des gars de Google et de pas mal juste eux autres dans le monde, c'est énorme. Lors d'une conférence de presse organisée à Paris, on a pu prendre en main le nouveau MacBook Air. Annoncé le mardi lors du keynote de Steve Jobs au Macworld 2008, l'article vient de Clubic.com. Premier constat, et ce sera une surprise pour personne, dit l'article, le MacBook Air est fin. Très fin et léger. Si vous n'avez pas encore vu le MacBook Air annoncé au Macworld 2008, il faut aller voir le mplante.wordpress.com. Les liens sont dans l'émission de la semaine passée et dans l'émission de cette semaine, il y a une vidéo du MacBook Air. Donc, la dalle 13,3 pouces utilisée est lumineuse et semble être de bonne facture, tout comme le clavier, même si, et là l'article dit, on s'étonnera de l'absence de la touche pomme de Apple. Étrange. Le duo écran-clavier est accompagné d'une technologie de rétroéclairage qui s'adapte à la lumière ambiante. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la coque de l'appareil ne donne pas une impression de fragilité. Entièrement en aluminium, le bébé semble au contraire plutôt robuste, même s'il faudra sûrement y prendre soin et éviter les chocs trop importants. Lisez le reste de l'article, la critique, les photos et la vidéo. C'est sur le mplante.wordpress.com. Très, très intéressant, ce MacBook Air, j'en veux deux. Après la prochaine pièce musicale, on va passer au bloc cybercrime. On va parler de nouvelles, de choses qui se passent sur Internet, en technologie, des choses illégales, des choses croches. On parle de choses vraiment, vraiment pas correctes. Vous devriez même pas écouter ça tellement c'est pas correct. Non. Ça va exploser tout ça, là. Troy Green. Troy Green. The Hives et Tic Tic Boom à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du bloc Cybercrime. Les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui est croche en technologie, les choses illégales, les choses pas correctes. On commence par l'industrie du film qui présente ses excuses. Au cours des dernières années, les journaux nous ont raconté en long et en large les problèmes de l'industrie de la musique et du film face au piratage sur Internet. Toutes sortes de données ont été publiées pour expliquer la baisse des ventes de CD ou de DVD. Hein? Mais au moins, à une reprise, les chiffres ont été gonflés. En 2005, la Motion Picture Association of America, qui regroupe tous les grands studios de Hollywood, a publié une étude affirmant que 44% des pertes de l'industrie du film étaient attribuables aux étudiants des collèges et des universités qui téléchargeaient illégalement des films sur Internet. La MPAA demandait alors aux écoles de faire leur part et de mieux surveiller le piratage. Et bien, 2 ans plus tard, les responsables avouent qu'ils se sont trompés. Oh ben. Le chiffre de 44% est inexact, c'est plutôt 15%, soit 3 fois moins. Inutile de dire que les collègues et les universités ne la trouvent pas, que les collèges, oui, et les universités, les colocs, ne la trouvent pas drôle. D'ailleurs, des regroupements scolaires font valoir que 80% des étudiants vivent en dehors des campus et que leur activité Internet se déroule donc à la maison ou ailleurs. De ce fait, la réalité tournerait plutôt autour de 3% et non pas 15%. En somme, même si le piratage était complètement enrayé sur les campus, l'industrie du film éprouverait quand même des pertes. Cela dit, les chiffres sont plus ou moins importants. Il est vrai que Hollywood a probablement perdu des sommes considérables en raison du piratage, des copies ou du téléchargement illégal, dit l'article sur canoë.com, et on peut présumer que cette activité est plus populaire chez les jeunes que dans les clubs de l'âge d'or. Comme dit le proverbe, et je cite, « Faute avouée est à moitié pardonnée ». Reste que l'industrie du film devrait au moins s'expliquer sur cette bévue. Jusqu'à présent, elle s'est contentée de dire que les fausses données étaient attribuables à une erreur humaine. Voilà. Selon un sondage réalisé en Grande-Bretagne, plus de la moitié des enseignants, oui, estiment que le plagiat sur le web est un délit en augmentation chez les élèves, selon Reuters. Le sondage réalisé par l'Association britannique des enseignants et des chargés de cours montre que 58% des répondants ont démasqué à au moins une reprise un plagiaire qui a copié des informations sur un site Internet. Un enseignant interrogé par Reuters souligne par exemple que 2 élèves lui ont remis un texte identique provenant d'Internet qui dépassait largement la qualité de ceux qu'ils remettent habituellement. En plus, ce texte ne répondait même pas à la question que je posais, dit le professeur. Certains étudiants affirment même que des élèves copient-collent parfois les extraits d'un texte sans même se soucier d'effacer les publicités autour. Wow! Les élèves commettent des actes de plagiarisme. Les élèves qui commettent des actes de plagiarisme le font davantage par ignorance du délit que par désir de tricher. Estime en revanche un autre étudiant interrogé par Reuters. La secrétaire générale de l'Association des enseignants et des chargés de cours soutient que des mesures doivent être prises par le gouvernement britannique pour aider les enseignants à détecter les textes qui sont calqués d'un autre ouvrage. Elle estime également que de renseigner davantage les élèves sur le plagiarisme aiderait à en prévenir la multiplication. Pour plus de détails sur le sondage mené par cette association d'enseignants, allez voir le site de l'émission au mplante.wordpress.com. M comme Mathieu Plante.wordpress.com, c'est mon nom et c'est le site. Vous allez retrouver tous les liens des articles et des sites qu'on va visiter pendant l'émission de cette semaine. La RIAA a pris les grands moyens pour empêcher les copies de promotion des albums de se retrouver en téléchargement dans les réseaux poste à poste. Évidemment, cette nouvelle initiative a fait très peu d'heureux. La RIAA, c'est l'industrie du disque. Le grand protecteur des droits des maisons de disques américaines, donc la RIAA, a commencé à protéger les exemplaires de promotion envoyés aux critiques. Peut-être aux stations de radio aussi. Non, sûrement pas. Il semblerait que bon nombre des albums piratés qu'on retrouve dans les réseaux poste à poste proviennent en effet de ces albums promotionnels. Le principe de protection est super simple. Les chansons sont truffées de messages vocaux anti-piratage. Donc, vous comprendrez que s'ils les envoient dans les stations de radio, c'est déjà arrivé. Pour vrai, c'est déjà arrivé que des groupes vous envoyaient un disque avec des messages à l'intérieur des pièces. On peut même pas les diffuser. Hein, ça n'a pas rapport. Donc, par exemple, l'article dit « Un critique du site Komodo Rock a reçu en avant-première le plus récent album de Steve Lukather, l'excellent guitariste du groupe Toto. Bien qu'il ait aimé l'album, il lui a accordé une note de 2,2 sur 10 en raison des messages interrompant les chansons. » Ok, c'est ouais. Pourquoi enlever des points pour ça? Ça fait, en tout cas. Elle compare d'ailleurs l'album à un Mona Lisa piétiné par un enfant couvert de chocolat. L'œuvre reste un Mona Lisa. On le distingue encore parmi les taches, mais elle est tout de même défigurée. Oui, mais c'est pas comme ça que les gens vont l'acheter, l'album, donc ta note n'a aucun rapport, là. Ça a vraiment aucun sens. Enfin bon. Et il explique que la première chanson ne comporte aucun message, mais que la deuxième en comporte 3. À 1 minute 16, à 3 minutes et à 4 minutes 48. Le même phénomène se répète pour toutes les autres pistes, sauf la 8e qui ne comporte aucun message. C'est super important, ça, dans l'article. J'aime ça. Un couple qui a été filmé en train de s'embrasser par les employés d'un métro de Shanghai a porté plainte contre le métro pour atteinte à la vie privée, selon le Oriental Morning Post. La vidéo d'une durée de 3 minutes a été filmée par une caméra de surveillance du métro en septembre dernier et a été postée sur les sites youtube.com et ku6.com la semaine dernière. Elle montre deux amoureux âgés d'une vingtaine d'années qui s'embrassent dans la station Yuyi sur la ligne 3. Les employés du métro auraient même rajouté des commentaires impudiques en shanghaïen sur la vidéo. C'est ce que dit l'article de branchez-vous.com, j'invente rien. Le couple a dit au journal qu'il trouvait cela très embarrassant. Les amoureux ont engagé un avocat pour porter l'affaire en justice. Selon l'homme, leur cause concerne également les droits de tous les passagers du métro de Shanghai. De plus, il a indiqué qu'il ne se sentait plus très bien lorsqu'il se promenait dans le métro. Selon le quotidien, cette vidéo aura été visionnée par plus de 15 000 personnes en seulement 2 jours. Des caméras de surveillance sont placées dans toutes les stations de métro de Shanghai pour assurer la sécurité des usagers. Toutefois, il n'existe aucune loi sur l'utilisation ou l'administration de ces appareils. Et finalement, les compagnies qui fabriquent les jeux Scrabble et Buggle tentent de stopper Scrabulous et Bugglific, les versions Facebook des deux célèbres jeux de mots. Hasbro, qui possède les droits des jeux aux États-Unis et au Canada, et El Segundo, Mattel, qui possède les droits de Scrabble ailleurs, estiment que Facebook porte atteinte à leurs droits d'auteur et à leur marque de commerce. Scrabulous compte quotidiennement pas moins de 600 000 joueurs actifs dans le site Facebook. C'est une des 10 applications les plus populaires du site. Bugglific, de son côté, possède 7 000 joueurs réguliers, ce qui lui assure plutôt une place dans le top 500. Les compagnies ont émis conjointement une ordonnance de cessation et d'abstention à 4 parties engagées dans le développement, l'accueil et la mise en marché de Scrabulous, selon une lettre de la société Hasbro transmise à des consommateurs qu'il avait contactés à propos de Scrabulous. Dans un communiqué, Hasbro n'a pas précisé l'identité des parties impliquées, mais a dit qu'elle évaluait différentes options avec elle et qu'elle espérait en arriver à un règlement à l'amiable. Et dans l'éventualité où le différend persisterait, Hasbro a fait savoir qu'elle forcerait le site à mettre fin à ses activités. Dans un courriel, le co-concepteur de Scrabulous a déclaré qu'il ne commentait pas habituellement les questions juridiques. Le concepteur de Bugglific a pour sa part rebaptisé son application Beelific et a cessé temporairement ses activités pour entretien. Il existe des jeux Scrabble en ligne autorisés, mais Scrabulous est devenu populaire parce qu'il est gratuit, facile à jouer avec des amis et aisément accessible par Facebook. Peu après l'annonce de la mise en demeure des compagnies, des amateurs de Scrabulous ont lancé un groupe « Sauvons Scrabulous » dans Facebook et ont incité les autres internautes à acheminer leurs plaintes au site internet de Hasbro et de Mattel. Voilà l'article vient de la presse canadienne. Vous pouvez retrouver tous les articles de l'émission d'aujourd'hui sur le mplante.wordpress.com. Hey le gros, t'aurais pas de code de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce. J'dois t'aller vendre. Au moment, faut bien survivre en attendant qu'à chaque round. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pas de weed pour arriver en détente. Ça va attendre. Si je rallonge, il va comprendre. Alors on se bat, je dois être 430. Je pense j'avais d'un poignet beige, puis me mettre avant. J'ai guéri de faire le bar de check et car. J'en vais chercher par tout le monde, partout, tous les bars. Tous les jeunes que de mille, on te l'intéria d'or. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui me donne. Laisse-t'en là, ça va mal à la chape. Laisse-t'en là, y'a pas ma plus de temps que d'op. Laisse-t'en là, j'passe pas mal de temps par job. Laisse-t'en là, ma vie a pris une drop. Laisse-t'en là, ça va mal à la chape. Laisse-t'en là, y'a pas ma plus de temps que d'op. Laisse-t'en là, j'passe pas mal de temps par job. Laisse-t'en là, ma vie a pris une drop. En ce moment. Vraiment bas de la pente, quand ça sonne à porte. Check par la fente, je m'attends à ce que les chalocs personne descende, que le propriétaire défonce. Puis qui rentre, la menace de pas couper les drapes, moi j'ai au rockmount. J'ai plus combien de chèques en blanc qui a rebondi sa banque. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. Je veux juste qu'on m'aide un peu, que je puisse me reprendre. Bonjour, c'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On a plein de choses à dire dans cette deuxième demi-heure, au fond de cette première heure, comme je le dis. Fiche jeux vidéo, dans quelques minutes, on va parler de vente pour l'année 2007 aux États-Unis. Il y a aussi 10 millions de joueurs dans World of Warcraft maintenant, n'est-ce pas incroyable? Et la Chine qui part en guerre contre les jeux massivement multijoueurs. C'est à La Connexion, ça. Et c'est tantôt, dans même pas 4 minutes. Fait que pourquoi partir, tu sais? Seulement. As the dust rises from our dancing feet, floats in the Choking et Vicinity en troisième position anglophone. C'était le numéro 1 la semaine dernière. Troisième position maintenant. Donc, petite chute pour eux. C'est Figurines qui est en première position maintenant. Avant de passer au fil du jeu vidéo, voici le top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième, c'est stable avec YouTube. En quatrième, même chose, les packs. En troisième, toujours stable avec Hotmail. En deuxième, ça descend Horoscope. Et le numéro 1 est remonté, c'est l'Auto-Québec. Donc, jeux vidéo cette semaine, on commence par une nouvelle assez intéressante. Là, depuis l'avènement des ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo, l'industrie du jeu a toujours vendu ses produits de la même façon, dit l'article de Canway.com. Il y a quelques années, les consommateurs achetaient des cassettes, des CD ou des DVD dans les magasins et de nos jours, les gens achètent les jeux en ligne en les téléchargeant directement à partir du site de la compagnie. Or, voilà qu'une compagnie innove. Il s'agit de Electronic Arts, à qui l'on doit plusieurs titres très populaires dans le milieu des jeux vidéo. La compagnie annonce qu'elle va lancer d'ici l'été un nouveau jeu qui s'appelle Battlefield Heroes, destiné à un très grand public. La particularité de ce jeu en ligne, c'est que les gens pourront le télécharger gratuitement. En effet, la compagnie se propose de le financer grâce à la publicité et aussi grâce à quelques achats peu coûteux que les joueurs seront invités à faire pour mieux performer. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de guerre. On peut donc présumer qu'un joueur devra débourser un montant X pour obtenir une meilleure arme ou un meilleur équipement. De plus, les responsables ont prévu un système pour opposer des joueurs de force égale. Dans son communiqué de presse, la compagnie poursuit en expliquant que le graphisme du jeu a été transformé pour qu'il ressemble un peu plus à un dessin animé et qu'il permette à tout le monde, expert ou non initié, d'y trouver son compte. En somme, Electronic Arts tente un nouveau modèle d'affaires avec un jeu inspiré de deux autres qui ont fait leur preuve. Les détails sur ce nouveau jeu sont peu nombreux, mais un site web existe déjà pour en faire la promotion. C'est le Battlefield trait d'union Heroes au pluriel .com. L'Academy of Interactive Arts and Sciences, qui décerne des prix aux créateurs de jeux vidéo depuis quelques années, a dévoilé la liste des jeux en nomination pour la 11e édition de son gala, qui se déroulera le 7 février. L'AIAS est l'Académie des professionnels du jeu vidéo. Chaque année, elle récompense les meilleurs jeux des 12 derniers mois avec un jury composé de professionnels représentant un panel complet de toute l'industrie du jeu, des fabricants aux éditeurs. Les prix décernés sont une véritable consécration pour les créateurs, une sorte d'Oscar des jeux vidéo, dit branchez-vous.com. Alors que Gears of War a été couronné l'année dernière en récoltant pas moins de 8 prix, il n'est pas surprenant que ce soit BioShock qui soit en avance cette année avec une douzaine de nominations. D'autres jeux à gros budget comme Call of Duty 4, The Orange Box, Rock Band et Super Mario Galaxy récoltent aussi plusieurs nominations. Pourquoi, l'article demande, pourquoi un jeu tel que Zack & Wiki, Quest for Barbaro's Treasure, pourtant salué par la critique, n'a pas récolté de nomination? Eh bien, c'est parce que certains éditeurs tels que Capcom ne sont pas membres de l'AIAS. Donc, c'est dommage pour eux. Voici donc la liste des finalistes pour une quinzaine de catégories. Bon, c'est ce que l'article dit. Près de 40 prix vont être remis à ce grand gala. Vous pouvez aller voir la liste complète des finalistes sur le site de l'AIAS en passant par le... Ah, tu sais, c'est interactive.org. Voilà, mais le lien est sur le site de l'émission omplante.wordpress.com. Je vais vous donner quelques catégories importantes. Jeu de l'année. Les nominés sont BioShock, Call of Duty 4, Rock Band, Super Mario Galaxy et The Orange Box. Jeu console de l'année, même chose, BioShock, Call of Duty 4, Mass Effect, Rock Band et Super Mario Galaxy. The Orange Box n'est pas là. Jeu pour ordinateur de l'année. Wow, les catégories sont vraiment similaires. On retrouve les mêmes jeux partout. BioShock est partout, vraiment, ça n'a même pas de sens. Réussite exceptionnelle en jouabilité. Wow, j'aime cette catégorie-là. Il y a Assassin's Creed, Rock Band, Mario Galaxy, Phantom Hourglass et Portal. Donc, si vous voulez voir la liste complète, c'est le mplant.wordpress.com. Voilà. World of Warcraft continue de remplir les coffres de Vivendi Games, du moins en croire le nombre toujours croissant de ses abonnés. En effet, Blizzard a annoncé que le jeu a franchi un autre cap et qu'il compte pas moins de 10 millions d'utilisateurs en ce moment. La région où le jeu connaît le plus de succès, c'est l'Asie avec 5,5 millions d'abonnés, suivent ensuite, l'Amérique du Nord et l'Europe avec 2,5 et 2 millions d'utilisateurs respectivement. Blizzard est au travail présentement sur la seconde expansion pour World of Warcraft qui se nommera, j'ai vraiment dit World of Warcraft, on dirait, mais c'est pas grave. Warcraft, qui se nommera Wrath of the Lich King. Parlant de vente, la compagnie Activision a annoncé que la franchise Guitar Hero a engendré des ventes de plus de 1 milliard de dollars depuis le lancement du premier jeu il y a 26 mois. Depuis 2005, Guitar Hero sur PlayStation 2, Guitar Hero 2 sur PS2 et 360, Guitar Hero Rocks the 80s sur PS2 et Guitar Hero 3 Legends of Rock sur PC, PS2, PS3, Wii et 360 ont donc permis à Activision de s'approcher de Electronic Arts comme éditeur le plus important de l'industrie. Activision a aussi révélé que plus de 5 millions de chansons supplémentaires de Guitar Hero 3 ont été téléchargé depuis le lancement du jeu en novembre. Parlant de Guitar Hero, Microsoft a annoncé qu'elle se tiendra qu'elle tiendra, oui, un événement Guitar Hero 3 à la fin de semaine du 1er au 3 février sur Xbox Live. Lors de cette fin de semaine, vous pourrez mesurer votre talent contre d'autres joueurs, vous faire humilier peut-être, ainsi que contre les développeurs de Neversoft le dimanche. Plusieurs prix sont à gagner, dont des points Microsoft, des accessoires de Guitar Hero, une guitare pour le jeu autographiée par Slash, ainsi qu'un gros ensemble contenant une télévision plasma 50 pouces, ainsi que plusieurs autres choses. Pour participer, il faut aller voir le xbox.com/rockyourparty ou sur Xbox Live. Pour le site web, faites attention, dit l'article, il a fallu que je mette le site en anglais car je n'avais pas accès au contenu en français. C'est selon Art Gamers. L'événement est accessible aux résidents de l'Amérique du Nord. Pourtant, donc, voilà pour Guitar Hero 3 sur Xbox Live. Toujours au sujet de Guitar Hero, ceux qui se sont enregistrés, oui, pour obtenir un disque de remplacement pour Guitar Hero 3 sur la Wii, Activision vient de leur envoyer un courriel les informant que le disque de remplacement vient d'être approuvé par Nintendo et pourra donc être envoyé en février. Je vais rappeler un petit peu les faits. Lancé en octobre dernier, la version Wii de Guitar Hero 3 ne supportait pas le son stéréo. Incroyable. Contrairement à ce que la boîte du jeu indiquait, les joueurs devaient donc se contenter d'un son mono. Sur un système de cinéma maison, par exemple, la différence est notable. Ceux qui veulent obtenir le disque de remplacement peuvent toujours le faire en se rendant sur le site officiel qui est le suivant, www.activisiongameexchange.com, ou en téléphonant au 866-780-8286, 866-780-8286, entre 8h et 20h du lundi au vendredi. L'article mplante.wordpress.com a toutes les informations, vous n'avez pas à les retenir, mais je rappelle l'adresse pour ceux qui sont un petit peu trop paresseux, c'est le activisiongameexchange.com, le site si vous voulez échanger votre copie mono de Guitar Hero 3 pour la Wii. Le héros de la franchise Halo n'aura finalement qu'un rôle secondaire dans le film tiré de cette dernière. Quand est-ce qu'Hollywood va apprendre? En effet, au cours d'une entrevue avec le site Newsweek, le directeur scénariste de Bungie, Joseph Staten, a révélé que Master Chief aura un rôle secondaire au sein de la production cinématographique de Halo. Selon Staten, cette décision est tout à fait logique, puisque le visage de Master Chief n'est pas connu. Ben ouais! Or, donner le rôle principal d'un film à un personnage dont on ne voit pas le visage et qui, en plus, n'a que des dialogues fort limités est très risqué. C'est pourquoi les réalisateurs du film ont préféré faire de Master Chief le personnage secondaire du film plutôt que son personnage central. En fait, Master Chief servira de source de mystère alimentant les discussions des soldats du film ainsi que de personnages réglant les problèmes des autres personnages et on prédit un flop à ce film-là. Master Chief, presque pas dans Halo The Movie. L'article vient de Newsweek via rgamers.com. Et je vous dis, pourquoi s'entêter à faire des films de jeux vidéo? C'est pas parce que les jeux vidéo vendent que le film va être bon, puis en tout cas. On sait que le gouvernement chinois est très contrôlant. Tout autre sujet. Mais certains n'imaginaient peut-être pas à quel niveau. Or, pour vous en donner une idée, ce gouvernement a annoncé qu'il adoptera une série de mesures afin de contrôler l'usage des jeux massivement multijoueurs dans ce pays. Selon Reuters, le gouvernement chinois adoptera des mesures afin de limiter les jeux massivement multijoueurs en Chine. En fait, le gouvernement craint qu'avec la hausse du nombre de joueurs et les cas de dépendance connus liés à Internet, ce type de jeu ne fasse qu'empirer la situation. Et je cite... Bien que l'industrie de jeux vidéo en ligne chinoise s'est bien portée au cours des dernières années, les jeux en ligne sont vus par plusieurs comme une sorte d'opium spirituel et l'ensemble de la société est marginalisé par la société de masse. C'est ce qu'a déclaré un membre senior de l'administration générale de la presse et des publications. Si nous n'effectuons pas d'ajustement, l'industrie souffrira tôt ou tard. Les jeux en ligne sont excessivement populaires en Chine. En fait, le nombre de joueurs en ligne dans ce pays a augmenté de 23% l'an dernier, portant le total à 40,17 millions. Afin de contrer cette immense popularité, le gouvernement a banni les enfants des cafés Internet et a ordonné que les propriétaires de ces cafés limitent davantage le temps d'utilisation des usagers après avoir pris conscience de cas où des joueurs sont morts de fatigue. Après des marathons de jeux, on a parlé de ça assez fréquemment ici à la collection sous les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Cependant, ce qui fait le plus de ravages en ce moment en Chine, c'est le piratage, un véritable fléau dans ce pays, dit rgamers.com. De plus, les cafés Internet illégaux sont nombreux au sein du pays. En fait, dans la seule ville de Shenzhen, la police a démantelé 563 cafés Internet illégaux, ce qui a permis de mettre la main sur 1407 ordinateurs et mener à l'arrestation de 7 personnes et à la fermeture de 5000 comptes Internet. Lors d'une intervention, la police a découvert pas moins de 30 ordinateurs dans une toute petite pièce de 40 pieds carrés. Et dernière nouvelle de cette première partie du bloc jeux vidéo, nous allons parler d'EverQuest et de Counter-Strike qui ont rejoint la liste des jeux bannis au Brésil, comme le rapporte l'agence France-Presse. Une mise à l'écart demandée en octobre dernier par le juge Carlos Alberto Simoes, qui considère les deux titres comme dangereux pour la santé des consommateurs et une attaque contre la démocratie et la loi et contre la sécurité publique. Le jeu est donc désormais en vigueur, donc cette loi est en vigueur sur le sol brésilien. La dépendance que peuvent causer les deux titres est notamment mise en cause avec, cas aggravant pour Counter-Strike, l'existence au Brésil d'un mode mettant les joueurs dans la peau de la police ou de trafiquants de drogue. Et ce, en plein Rio de Janeiro. Dans tous les cas, cette décision semble un peu tardive. Les deux jeux datent de 1999. Donc, Brésil, pas tout à fait à jour dans ses affaires, mais quand même. Dans la deuxième heure de la collection, dans la deuxième partie du fil jeux vidéo, on va parler entre autres de la PSP, l'arrivée de Skype est reportée. On va aussi parler de Xbox 360 et de la Gizmondo. Oui, elle est toujours vivante, cette Gizmondo. Tout ça, elle est vente en 2007 de jeux vidéo. Mais pour l'instant, on continue la série Final Fantasy VII. Cette superbe série Voices of the Life Stream, un Overclock Remix Album. On est rendu à la cinquième pièce. Voici Full Frontal Assault de Norg et Slapoman. À la connexion, c'est fou, 89.1 FM, restez avec nous. of hearing the same old crap? Well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize at the same time. Sorry Miss Jackson. And the mighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls out the window. You put your name on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Allez voir le site de l'émission au mplante.wordpress.com. C'est là que je mets tous les liens. Tantôt, on va parler de technologie. On va parler de cellulaire en avion, le 3 passagers qui risquent la prison et de pirates qui ont provoqué des coupures de courant. Mais avant de continuer tout ça, regardons un petit peu les jeux qui ont été les plus vendus la semaine dernière au Super Club Vidéotron. On part en 5e position de Mario & Sonic at the Olympic Games sur la Nintendo Wii. En 4e, Kingdom Under Fire Circle of Doom sur la 360. En 3e, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. En 2e, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la Xbox 360. Et le jeu le plus loué la semaine dernière dans les Super Club Vidéotron, eh bien, c'est Assassin's Creed sur la 360. Hein? Hein? On continue notre série en concert maintenant avec la 6e partie, Another Soundscape, et la pièce Too Much Fighting Fanfare. Vous écoutez la collection Assez Fou 89.1 FM. Et ça, ben c'est dans vos oreilles et nulle part ailleurs. Peut-être dans votre nombril un peu. On fera pas la liste des orifices où ça rentre, hein? C'est fou! Partout. We'll be right back. La série en concert Final Fantasy VII Voices of the Live Stream Overclock Remix Album. Oui, Live Stream. Un album avec des pièces arrangées par des gens comme vous et moi qui essaient de faire la trame sonore du jeu Final Fantasy VII pour la PlayStation. Ils la refont. Et ça passe du jazz au techno, du rock au classique. C'est très, très bon. Allez voir le ff7.ocremix.org si vous voulez entendre l'album, ensuite le télécharger et même faire imprimer, imprimer vous-même votre propre pochette. Et ça fait quelque chose de très, très beau. Voilà. Maintenant, on continue le fil jeu vidéo. Les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Yudi, yudi, yudi, yudi. Super Mario Bros. On commence par des nouvelles, étrangement, de la PSP. De Sony, la fonction Skype pour PSP est reportée. Selon Sony, qui a annoncé ça dans un communiqué officiel, celle-ci devait initialement être incluse dans une mise à jour prévue avant fin janvier 2008, mais le retard pris sur la production des micros individuels pour le nouveau modèle de PSP repousse l'arrivée du nouveau firmware à une date ultérieure. Le micro lui-même ne souffre d'aucun problème de compatibilité, précise le constructeur, mais un différend l'oppose avec la société Skype sur la norme employée. L'accessoire devait être commercialisé dès aujourd'hui, le 24 janvier, au Japon. Dotée d'une ludothèque à la qualité incontestable, la Xbox 360 a aussi un talon d'Achille que tout le monde connaît, c'est sa fiabilité. Pour mieux comprendre ce qui lui a valu le sobriquet de SAV 1.5 sur les forums, 8-Bit Joystick a obtenu une entrevue par mail d'un employé de Microsoft par courriel. Une source hélas restée anonyme mais visiblement bien informée et l'entrevue, si son contenu est bien fondé, est sidérante. Taux de panne de 30% des Xbox 360, test fiabilité négatif, précipitation pour sortir la console avant la concurrence qui est à bâcler sa conception, jeu plus susceptible que d'autres de causer un plantage. Les doutes qu'on pouvait avoir sur les raisons d'un tel fiasco seraient alors confirmés. Et le fameux Red Ring of Death, le cercle rouge de la mort, cause la panne immédiate de la machine serait enfin expliquée en détail. Rappelons tout de même que le géant américain a réagi en augmentant la durée de la garantie de la machine et que l'entrevue révèle que le taux d'échec des dernières Xbox 360, nommées Falcon et Zephyr, ne dépasserait pas les 10%, mais ces consoles étant plus récentes, il faudra encore attendre avant de crier victoire. Espérons donc que les récentes déclarations de Bill Gates sur le sujet, il avait dit qu'ils amélioreraient les choses là-dedans, soient suivies de mesures proportionnelles à l'ampleur de ce problème sans précédent dans l'histoire des consoles. L'article vient de GameCult.com. Vous vous souvenez peut-être de la Gizmondo. Hein? Et là, l'article est très important parce que les gentils gens de chez jeuxvideo.com ont pris la peine de le mettre à jour. Donc, vous allez voir, je vais lire la nouvelle et vous dire ensuite ce qu'il en revient. Donc, avec son impressionnant catalogue de jeux et sa communication au top du top, la console n'a jamais vu le jour en Europe et n'aurait eu qu'une durée de vie limitée aux États-Unis, même pas au Canada, je crois pas. Donc, son seul territoire d'accueil était les États-Unis. Échec commercial, faillite, accident de voiture, prison, le parcours de la société Gizmondo et de sa fameuse console portable aura été bien mouvementé. Loin de s'avouer vaincu, la machine pourrait toutefois faire son retour prochainement sur le site internet mis en ligne il y a peu de temps. Donc, ça disait, l'article datait du 23 janvier. Donc, une seule page était accessible, mais celle-ci permettait d'apprendre que la légende renaîtrait en 2008, accompagnée de tout un tas de nouveautés, dont un environnement open source permettant aux utilisateurs de créer leur propre jeu. La machine pourrait aussi se connecter au Gizmondo Live Marketplace, disait le site, et serait la porte d'accès à de passionnants mondes psychiques. Voilà. Et la mise à jour très importante dit, selon toute vraisemblance, ce grand retour de Gizmondo est un beau fake, alimenté par un site internet qui, une fois passé au crible du Whois, se révèle être déposé, par une société garantissant l'anonymat du propriétaire ainsi que par quelques articles à provenance douteuse. Donc, Gizmondo reviendra-t-il? Est-ce que tout ça est un canular? C'est ce que vous apprendrez dans la prochaine édition de La Connexion! Ah, c'est fou, non, c'est pas vrai. On se tiendra au courant des nouvelles. Hein, pourquoi pas pendant les prochaines semaines et mois. Les ventes de décembre 2007 étant désormais officielles, la firme NPD Group estime que les ventes de jeux ont été supérieures à 17,94 milliards de dollars aux États-Unis seulement, malgré que Halo 3 ait été le meilleur vendeur de l'année. Nintendo a aussi le dessus sur ses le dessus oui sur ses concurrents, ses consoles DS et Wii ayant été les plus populaires. Donc d'entrée de jeu, il faut préciser que NPD Group ne compile pas 100% des ventes de jeux vidéo aux États-Unis, loin de là. Cette firme de recherche n'a pas accès aux ventes des chaînes Walmart et Toys R Us qui sont vraiment ces deux grandes compagnies. Et donc sage d'estimer que les statistiques ne représentent que 60 à 70% des ventes totales, affirme Jouer.com. Walmart et Toys R Us sont des chaînes évidemment rejoignant davantage les familles. Il est possible que ces résultats soient biaisés. Donc voici les ventes de consoles en 2007, l'année au complet aux États-Unis. On retrouve la PS3 en position 6. En 5e, c'est la PSP. En 4e, la PS2. 3e, Xbox 360. En 2e, avec 7 380 000 ventes, la Nintendo Wii. Et la console la plus vendue aux États-Unis, selon NPD Group, c'est avec 8 500 000 ventes, la Nintendo DS. Les ventes de consoles ont été supérieures de 73% par rapport à l'année dernière, totalisant 5,12 milliards de dollars. Et la Wii ayant été en rupture de stock tout au long de l'année, évidemment, c'est à se demander combien de consoles Nintendo aurait pu vendre. Imaginez si les stocks avaient été suffisants. Très, très bonne question. Ventes de jeux en 2007 aux États-Unis, maintenant les jeux les plus vendus. En 10e, Mario Party 8 sur la Wii. En 9e, Assassin's Creed sur 360. En 8e, Guitar Hero 2 sur la PS2. En 7e, c'est Madden NFL 08 sur la PS2. En 6e, Pokémon Diamond sur la DS. En 5e, Super Mario Galaxy sur la Wii. En 4e, Guitar Hero 3 sur la PS2. En 3e, Call of Duty 4 sur la 360. En 2e, Wii Play sur la Wii avec 4,12 millions. Et le jeu le plus vendu en 2007 au complet aux États-Unis, c'est avec 4,82 millions. Halo 3 sur la Xbox 360. Les ventes de jeux ont été supérieures de 39% par rapport à l'année dernière. Ça totalise 6,64 milliards de dollars. Voilà. Ça dit aussi que la performance de Halo 3 est tout à fait comparable à celle de Halo 2 il y a 3 ans. Voilà. C'est les résultats pour les ventes de 2007. Maintenant, regardons un petit peu au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière selon la société Media Create? On retrouve du côté des consoles en 6e la 360, en 5e PlayStation 2, 4e PlayStation 3, ensuite la Wii, la PSP est en 2e et la console la plus vendue avec presque 100 000 ventes pour un total de 21 536 000, c'est la Nintendo DS. Et côté jeu, en 5e Monster Hunter Freedom 2 sur la PSP, en 4e Final Fantasy 4 sur la DS, en 3e Wii Sports sur la Wii, en 2e c'est Mario Party DS sur la DS et en première place, on trouve Wii Fit. Vous êtes à la collection, à C'est Fou 89.1 FM. Je toute nouvelle entrée de Navet Confit sur le palmarès francophone de C'est Fou. Ça s'appelle Grunge. Et juste avant de passer en publicité, voici le quiz musical de la semaine. Nommez le jeu qui joue derrière moi. Je vous donne un seul indice. C'est sur la PSP de Sony. La réponse au retour à la collection à C'est Fou 89.fm. Le mercredi 30 janvier, au CAPS de l'UQTR, se tiendra la plus grosse foire de l'emploi de la région. Sous le thème « Multipliez vos connaissances », cette journée carrière est ouverte à tous, autant pour les étudiants, les diplômés, que pour l'ensemble de la population. Une multitude d'entreprises, autant régionales que d'envergure internationale, de même qu'un bon nombre d'organismes publics, seront sur place. Saisissez l'occasion de lancer ou de relancer votre carrière. Pour plus d'informations, visitez-nous au uqtr.ca/emploi. La journée carrière de l'UQTR, mercredi 30 janvier, de 10h à 16h, au Centre de l'activité physique et sportive. Viens voir le nouveau look de CFOU.ca. Pour connaître les palmarès complets de CFOU, les émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques, ou encore connaître les spectacles à surveiller, CFOU.ca. Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux, CFOU.ca, tout juste refait à neuf. Viens nous visiter. Le vestibule. Samedi, 21h. Avant la pause, je vous ai demandé dans notre quiz musical de la semaine de nommer le jeu qui joue derrière moi. Encore quelques petites secondes pour y penser. Le jeu, c'est Loco Roco sur la PlayStation Portable. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo et de midi. Maudit que j'aime pas les midis quand ça sonne mal comme ça sur une mauvaise carte son. Peut-être que j'ai n'importe quoi, mais bon. Dans cette dernière demi-heure, on va parler de technologie. On va aussi parler de nouveautés sur vos écrans et autres périphériques qui servent à afficher les jeux vidéo. Mais avant, voici une pièce de Sondrelerke. Let my love open the door. À la connexion assez fou 89.1 dans vos oreilles. You'll never fall in love when everybody keeps retreating, but you can't seem to get enough. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. When everything feels all over, everybody seems unkind, I'll give you a four-leaf clover. Take all the worry out of your mind. I have the only key to your heart. I can stop you from falling apart. Release yourself from misery. Only one thing's gonna set you free, and it's my love. That's my love. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. Tragedy befalls you, don't let them bring you down. Love can't cure your problems, You're so lucky that I'm around. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. To your heart. Oh, to your heart. To your heart. Sandrine Lurkey avec Let My Love Open the Door. Ça, c'est en position numéro 13 du palmarès anglophone de C'est Fou cette semaine. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, c'est le bloc Le Fil technologique. Depuis le 1er janvier, la Calgary Health Region a adopté une politique qui bannit le cellulaire au volant. Les médecins de l'organisme ont émis d'énormes réserves et songent même à ignorer la consigne. Calgary Health Region est l'un des plus importants systèmes de santé publique intégrés au Canada. Il dessert 1,2 million de personnes dans la grande région de Calgary. Depuis le 1er janvier, ses employés ne doivent plus utiliser leur téléphone cellulaire dans la voiture, même avec une oreillette sans fil, à moins d'avoir préalablement stationné leur véhicule. Par le biais de son chef, l'Association des médecins de l'organisme a émis des réserves en regard de cette nouvelle politique. De fait, le docteur Glenn Combe expliquait que parfois, une fraction de seconde peut compromettre la sécurité des patients. Puisque les médecins se fient énormément à leur téléavertisseur et à leur téléphone cellulaire, ils s'inquiètent qu'un médecin coincé dans la circulation pourrait perdre un temps précieux avant de pouvoir répondre à un appel important. Il a conclu son raisonnement en affirmant qu'au bout du compte, ce sont les médecins eux-mêmes qui décideront à quel point ils respecteront cette nouvelle politique. Un représentant de la Calgary Health Region a d'ailleurs avoué que l'organisme pourrait difficilement faire respecter cette politique. Selon lui, l'organisme cherche surtout à faire réfléchir les médecins que leur utilisation du téléavertisseur et du téléphone cellulaire au volant leur faire réfléchir à ça. Il faut toujours garder en tête qu'un médecin blessé dans un accident de la route ne sera pas en mesure d'aider ses patients du tout. L'article vient de CBC News via branchez-vous. Trois passagers aériens risquent jusqu'à 3 mois de prison pour ne pas avoir éteint leur téléphone cellulaire lors d'un vol samedi dernier entre les villes italiennes de Milan et Bari, selon l'agence France Presse. Le commandant de bord du vol Alitalia a arrêté son avion alors qu'il était en pleine course pour décoller, constatant des interférences dans ses instruments de navigation. Avant le décollage, le commandant avait demandé par 3 fois aux passagers de fermer leur téléphone cellulaire à cause des interférences. Une fois l'avion immobile, des policiers sont montés à bord et ont procédé à l'arrestation des 3 récalcitrants qui avaient refusé de fermer leur téléphone, même après les demandes répétées du commandant. Les 3 hommes sont maintenant accusés d'inobservation des consignes de sécurité aérienne et risquent chacun jusqu'à 3 mois de prison s'ils sont reconnus coupables. L'avion a finalement décollé avec 1h30 de retard. Dans un vol, précisons que l'utilisation des téléphones cellulaires est interdite car ils doivent fonctionner à pleine capacité pour rejoindre les antennes de télécommunication au sol, ce qui accroît fortement les risques d'interférences électromagnétiques avec les instruments de navigation des avions. Des pirates informatiques ont réussi à s'introduire dans les systèmes de compagnies de production d'électricité à l'étranger et à provoquer des coupures de courant, a révélé un analyste de la CIA, l'Agence centrale de renseignement américain. Toutes ces intrusions se sont déroulées hors du territoire américain via Internet, selon l'analyste Tom Donahue. Il s'exprimait la semaine dernière au cours d'une conférence en Nouvelle-Orléans, rassemblant des responsables de compagnies de production et de distribution d'eau et d'électricité. Dans au moins un des cas, les perturbations ont entraîné une coupure affectant de multiples villes. Affirmé M. Donahue sans préciser les pays concernés, la date et la durée de ces ruptures d'alimentation. Les pirates qui avaient auparavant réclamé de l'argent aux compagnies visées pourraient avoir bénéficié de complicité interne, selon l'analyste. Et je cite encore, « Nous ne savons pas qui a mené ces attaques et pourquoi, mais toutes ont comporté des intrusions par l'intermédiaire d'Internet. » Par-parole de la CIA s'est refusé vendredi à fournir de plus amples précisions. L'information qui pouvait être partagée dans un cadre public l'a été. Ses propos étaient simplement destinés à mettre en lumière les défis posés par les cyber-intrusions potentielles, a-t-il commenté. Le grand patron de l'Office national du film était de passage à Moncton cette semaine pour lancer une nouvelle initiative. C'était la semaine dernière, pardon. Le E-Cinéma. L'ONF vient de mettre en place un premier réseau de salles équipées de serveurs, projecteurs et systèmes de son pour y diffuser une programmation à l'attention de la population francophone. Dans un premier temps, dans le cadre du projet pilote, les gens de Bouctouche, Caraquet, Edmundston, Kedgwick et Moncton auront accès à ce service pendant 3 ans. Mais comme disait Tom Perlmutter à Radio-Canada, le commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'ONF. Si ça va bien, si la réponse est bonne, le projet sera également disponible ailleurs. Pensons aux communautés francophones de l'Ontario ou de l'ouest du pays qui sont encore mal desservies en frais de cinéma francophone. Et puis on a appris aussi que d'ici l'automne, l'ONF va mettre en ligne un système de vidéo à la carte à partir de son catalogue sur son site web et donc il sera enfin possible de voir des films de l'ONF en ligne. Si ça vous intéresse, écoutez l'entrevue avec le président de l'ONF et Bruno Guglielminetti de Radio-Canada. C'est sur le site de l'émission, là où il y a tous les liens de l'émission. C'est le www.mplante.wordpress.com, mplante.wordpress.com. Un an après la présentation de premiers prototypes, voici enfin venu l'heure de la commercialisation pour l'imprimante sans encre de la société Zinc, qui veut dire zéro ink. Issue d'un partenariat avec Polaroid, cette imprimante de poche est décrite par ses concepteurs comme le moyen le plus simple et le plus rapide pour partager les photos prises avec un téléphone portable. Pour délivrer ses clichés, l'imprimante fait appel à un papier qui contient des cristaux de couleur, jaune, magenta et bleu, protégés par une couche protectrice et révélés ensuite au moyen d'une technologie thermique. Cette imprimante imprime donc véritablement sans encre et épargne ainsi aux utilisateurs toute la manutention liée aux cartouches. L'appareil photo et l'imprimante, de même que le téléphone portable et l'imprimante, communiquent soit par Bluetooth, soit par les connecteurs PictBridge et USB. En tout et pour tout, l'imprimante a besoin de moins d'une minute pour délivrer un cliché, soit un délai moindre que celui requis par les Polaroids traditionnels qui nécessitent de 3 à 5 minutes pour se révéler. Très compacte, l'imprimante ne délivrera pas des clichés au format 10 par 15 cm, le format photo le plus classique, mais en 5 par 7,6, plus facile à ranger dans son portefeuille. Soit un format qui respecte le ratio 3 pour 2 des images produites par les réflexes. Le papier conditionné par paquet de 10 feuilles devrait être commercialisé au prix de 3 à 3,5 $, ce qui ramènerait le tirage à environ 30 cents. À noter que ces imprimantes, si elles venaient à se généraliser, pourraient bien faire de l'ombre aux imprimantes photo 10 par 15, qui, malgré leurs petites dimensions et leurs poignées intégrées, n'ont vraiment de portable que le nom. L'imprimante zéro encre devrait être disponible au cours du second trimestre et proposée au prix d'environ 110 euros. L'article vient de cubic.com. Voilà qui fait le tour pour le fil technologique et maintenant passons toujours aussi subtilement vers les nouveautés en magasin sur vos écrans bientôt. Ah voilà. On commence par les jeux qui vont sortir sur plusieurs plateformes en cette semaine très très relax. On parle de Burnout Paradise sur la PS3 et la Xbox 360. Sur la DS, on parle de Mario & Sonic à The Olympic Games qui sort de la part de Sega. Et du côté de Nintendo, ils sortent Advance Wars Days of Ruin. Sur le PC, il y a Pacific Storm Allies de Buka Entertainment et Pirates of the Burning Sea de Sony Platform Publishing. Sur la PS2, Iridium Runners de South Peak Interactive. Sur PSP, Rainbow Islands Evolution de Ignition Entertainment. Et finalement, sur la Wii, on retrouve One Piece Unlimited Adventure de Namco Bandai, No More Heroes de Ubisoft, qui était quand même pas mal attendu, et Endless Ocean de Nintendo. Voilà. Un autre duo de jeux est désormais disponible sur la console virtuelle de la Wii. Donc, cette fois-ci, Nintendo a ajouté un petit bonbon pour les amateurs de casse-tête avec The Adventures of Lolo 2 pour 500 points, tandis que les fans de la franchise Street Fighter pourront se régaler devant Super Street Fighter 2 The New Challengers pour 800 points. Ça, c'est sur la console virtuelle de la Nintendo Wii. Il y a quelques semaines, Microsoft avait annoncé qu'elle offrirait un jeu Xbox Live Arcade tout à fait gratuitement afin de remercier les propriétaires d'Xbox de leur patience suite aux nombreux problèmes de connexion du service Xbox Live lors du temps des fêtes. Eh bien, on connaît maintenant l'identité de ce jeu. C'est Undertow, un jeu de guerre sous-marin ayant reçu de bonnes critiques de la part des médias et qui est présentement offert pour 800 points Microsoft. Ce jeu sera offert à tous les membres de Xbox Live à partir du 23 janvier, c'est-à-dire hier si vous écoutez en direct, jusqu'à dimanche le 27 janvier. Donc faites vite et si vous écoutez la rediffusion, désolé. Les affaires redémarrent peu à peu après Noël et c'est aussi le cas du PlayStation Store avec des démos, des jeux téléchargeables et du contenu additionnel. Au niveau des jeux, vous allez retrouver Tori Amaki, Mesmerize Trace et Blast Factor Bundle. Et puis sur le contenu additionnel, on retrouve Motorstorm Double Track Pack, Last Train to Clarksville, The Monkees, All the Small Things de Blink-182 et Action. Ça, c'est trois pièces pour le jeu Rock Band. Et les démos Turok FIFA Street 3, ça c'est deux jeux, et des vidéos de jeux à venir qui sont aussi disponibles. Il y aura malheureusement pas de nouveaux jeux sur le Xbox Live Arcade selon Microsoft qui a annoncé ça dans un communiqué. Plutôt que d'offrir un nouveau jeu, la firme rend disponible le jeu en deux tours comme je disais tantôt. Et la raison que j'ai choisi, c'est que Microsoft a levé le voile sur les Xbox Live Awards qui seront des prix remis par le public à des jeux Xbox Live Arcade jugés comme étant excellents. vous aurez l'occasion de voter pour vos jeux préférés offerts sur le service via Xbox.com depuis le 22 janvier, en fait, et jusqu'à mercredi prochain, le 30 janvier. Parmi les catégories, vous allez retrouver le meilleur jeu Xbox Live Arcade, le meilleur jeu classique et le meilleur jeu original. La sélection de jeux disponibles par catégorie sera choisie par un groupe de journalistes et les gagnants seront dévoilés lors du Game Developers Conference qui se tiendra en février. Il y a le retour de Lee Jesuit Larry après Magna Cum Laude il y a quelques années. La franchise est de retour sur Xbox 360, PS3 et PC. Sierra Entertainment a annoncé le développement de Lee Jesuit Larry Box Office Bust pour ces trois plateformes. Ça va être développé par Team 17 sans la collaboration de Al Lowe, qui est le créateur de Lee Jesuit Larry. Les détails sont dans l'article sur le site. EVE Online, le jeu massivement multijoueur dans l'espace de CCP, devient le premier titre du genre à être offert sur le service de distribution Steam. De plus, une période d'essai de 21 jours est offerte à tous les nouveaux joueurs qui vont s'inscrire. Et par la suite, ça va coûter 20$. Il va être nécessaire de débourser aussi 15$ par mois. Mais EVE Online, donc début gratuit, relativement populaire, environ 220 000 utilisateurs dans le monde. Vous avez maintenant la chance de décider si ce jeu est pour vous. EVE Online, c'est sur Steam. Steam. Après Ratchet & Clank Size Matters, c'est au tour de Silent Hill Origins de faire le saut sur PlayStation 2. Donc, c'est un jeu PSP qui va être adapté pour la PlayStation 2. Aucune date de sortie n'a été dévoilée pour l'instant. Selon la BBC, la National Aeronautics and Space Administration, la NASA aurait envoyé une requête afin de trouver des groupes intéressés à développer un jeu basé sur leur programme spatial. La requête en question soulignerait qu'un environnement de jeu synthétique de haute qualité est un élément vital de la cyberstructure éducationnelle de la NASA. Vive le langage des fonctionnaires, dit l'article. La requête laisserait planer peu de doutes sur le type de jeu. Il s'agirait d'un jeu massivement multijoueur qui permettrait de faire des expérimentations en chimie, en physique et en gravité. Les propositions sont attendues d'ici à la mi-février. J'ai posté sur le mplante.webpress.com la liste des jeux que Nintendo va sortir pendant la première moitié de 2008. Ils ont sorti la liste. Il y a beaucoup de bonnes choses, dont Super Smash Bros. Brawl qui a été remis au 9 mars. Nintendo prévoit lancer Mario Kart Wii le printemps prochain, Wii Fit en avril et juillet, entre avril et juillet, et Ninja Gaiden Dragon Sword le 25 mars. Donc la liste est sur le mplante.webpress.com. C'est rempli de belles choses. Et puis, finalement, tiens, une brève pour rappeler que le Fan Festival 08 se tiendra à Cannes du 15 au 18 février prochain. Ça va héberger toutes sortes d'animations directement liées aux jeux vidéo. Les visiteurs vont pouvoir faire un tour du côté de l'espace Nintendo ou du village Avatar et découvrir des nouveautés PC et consoles ou encore participer à des battles sur de nombreux jeux musicaux. Guitar Hero 3, Rock Band, Beatmania, In the Groove et Dance Dance Revolution. Un paquet de belles choses sur le site officiel du Fan Festival au fanfestival.fr. Et une autre chose qui se passe en Europe, en France, le Palais Omnisports de Paris-Bercy va accueillir le Mondial du Gaming les 4, 5 et 6 juillet. Un événement qui va être l'occasion pour tous les types de joueurs de participer à de nombreux tournois sur PC, consoles de salon et consoles portables, de profiter de tout un tas d'animations et d'assister à la finale de la Coupe de France des jeux vidéo, ainsi qu'au premier Masters européen de Pro Gaming. Voilà, le site officiel est au mondialdugaming.com. Voilà qui fait le tour pour vos nouveautés. Sur vos écrans et ailleurs sur d'autres périphériques d'affichage. Voilà, et maintenant, ben c'est l'heure de faire un petit tour extrêmement rapide avec une seule nouvelle, je regarde ça, de gens stupides qui font des choses stupides. Ouais, ben... Tout ça pour dire que dans le fond, je regarde le temps et puis ça me tente pas de faire des gens stupides qui font des choses stupides à la place. Ça va être moi qui va faire des choses stupides, d'accord? Je vais regarder, tiens, sur le site mplan.wordpress.com, quelques affaires qu'on n'aura pas le temps de mentionner dans l'émission d'aujourd'hui parce que, bon, évidemment, l'émission ne dure que 2 heures. J'ai posté quelques jeux pour le bureau qui ont l'air très, très bons. Un jeu de golf avec une ligne, avec des lignes, différentes lignes dedans. C'est comme un genre de... Ça ressemble à un dessin. C'est vraiment bizarre, mais c'est un jeu de golf. Il y a Fishy Fishy. Qui est un jeu où on utilise qu'une seule touche parce que le gars trouvait que c'était trop dur des fois de gérer plusieurs touches en même temps. Donc il s'est dit, je vais faire un jeu où tu choisis ta touche et puis tu te sers que de celle-là jusqu'à la fin. Ça s'appelle Fishy Fishy. Il hein? Y a aussi Paint Wars, guerre de peinture, génial. Thunder Fury, il y a aussi Irritation Stickman, Got Fancy Pants. Je crois que ce soit pas le, c'est peut-être pas le nom du jeu ça. Et puis Owata, voilà, qui fait le tour pour ça. Maintenant, ben, je pense qu'on va, on va juste sauter directement à la collègue autour du net. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit tour du net. Hein? Je pense que ça va être bon. Ouais, ça va être bon. Wow, oh, oh. Cette semaine, sur les internets, comme on les appelle, les liens vont être sur le mplante.webpress.com. J'ai plein de choses à vous dire. Tiens, des petits gâteaux de Mario. Hein? Ah, on peut pas demander mieux. Là. Moi, j'ai vraiment envie qu'on m'en fasse des petits gâteaux avec, avec une étoile, avec la princesse, avec, avec le petit champignon de vie. Ah, c'est beau. Même Mario est là. Donc, c'est des Super Mario Cupcakes. Allez voir sur le site pour le lien. Parlant de pâtisserie, ben, y a un gâteau Katamari Damacy. Hein? Hein? Génial, ça. 5 livres de chocolat blanc. 8 petits caissons de mûres, c'est ça. 6 doigts de beurre et 4 boîtes de sucre en poudre pour faire ce beau petit gâteau qui a été tout mangé. Hein? Allez voir le Katamari Cake D et d'autres dessins de l'artiste. C'est sur le implant.wordpress.com. Oh, ben tiens, apparemment que le Nintendo Power, que le Power Glove de Nintendo, voilà, est de retour maintenant comme accessoire de mode. Oui, c'est bien vrai. Le Power Glove sur un mannequin d'un magasin quelconque qui a été envoyé sur le site de Kotaku.com. Allez voir ça, c'est super joli. Ensuite, un article de Racketboy.com qui nous parle des jeux les plus rares de la Nintendo 64, les jeux qui ont le plus de valeur. Donc, on parle de jeux importés, par exemple, Bakuretsu Muteki Bangayo, hein, qui vaut entre 80 et 120 $. Si on regarde les sorties américaines qui sont plutôt rares et dures à trouver, Worms Armageddon, qui vaut entre 55 et 120 $. Play Fighter, hein, qui vaut entre 45 et 110. Ogre Battle, Harvest Moon, Mario Party 3, qui vaut entre 32 et 50 $. Bomberman 64, Conker's Bad Fur Day, Super Smash Bros. Le premier, StarCraft 64 et Super Bowling. Incroyable, des jeux qui ont beaucoup de valeur. Tiens, une publicité pour le Interactive Achievement, les Interactive Achievement Awards, qui est de publicité avec Mario qui court. C'est beau, allez voir ça. Ça a été envoyé par Human Sock Puppet sur le 4colorrebellion.com. Image du jour, Mario fait en crochet. Tu sais, avec de la laine. C'est bon, Mario crochet, pourquoi pas. Ensuite, tiens, ah oui. Sur BitTorrent, quelqu'un a réussi à craquer, à hacker le site de MySpace et a téléchargé 17 gigs de photos MySpace. Des photos MySpace, d'habitude, c'est bloqué par un mois de passe. Maintenant, vous pouvez aller voir sur BitTorrent et télécharger ça. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est faut vraiment être nerd rare pour aller télécharger 17 gigs de photos MySpace. Allez voir sur le site. Je suis pas mal sûr qu'il y a bien des gens qui vont y aller. Ghostface, qui a envoyé une vidéo sur Internet. Il est très, très fâché que vous n'ayez pas acheté son CD, que vous ayez téléchargé son CD à la place. Ensuite, on parle, tiens, je vais vous laisser un paquet de liens sur le site que j'aurais pas le temps de mentionner, là. Une parodie du vidéoclip de Journey, Separate Ways. Il faut les regarder côte à côte, le vrai et la parodie. C'est un remake, en fait, plus qu'une parodie. Un ordinateur, un vieil ordinateur qui joue le thème de Portal, fait par ordinateur. Faut vraiment voir ça, c'est dur à décrire à la radio. Une parodie du MacBook Air, l'ordinateur très très mince de Apple. Le design Tradition Police.org qui est des petites étiquettes roses que vous pouvez coller. Mettons que tu sais, vous êtes très très ça m'arrive des fois de dire ah ça t'aurais dû, tu sais, t'as mis trop de police dans ton affiche. Ton affiche, alors, t'aurais pas dû utiliser du Comic Sans parce que c'est plus à la mode ça. Et ben c'est des petites étiquettes comme ça que vous pouvez coller sur des affiches. C'est vraiment génial pour donner des notes à celui qui a fait l'affiche. Le 30 janvier, ça va être la journée internationale du Delete Your MySpace Account. D'accord? Effacez votre compte MySpace. Journée internationale. Le 30 janvier. Dans quelques jours. Très, très beau. Allez voir l'article pour plus de détails là-dessus. J'ai posté un affiche de magazine. Qu'est-ce qui se passerait si les gens de Futurama et des Simpsons coexistaient? Donc, on met côte à côte des personnages de Futurama et des Simpsons qui se ressemblent dans une grande affiche très, très beau. Ça fait un très beau fond d'écran malgré la belle craque de magazine en plein milieu. Un quiz de BBC qui vous demande de remarquer lesquels sont des faux sourires et lesquels sont des vrais sourires. Tu sais, quand tu fais un faux sourire là, dans une photo, ça paraît. Bon, ben, c'est un quiz pour voir si ça paraît vraiment tant que ça. Super Mario Fusion, qui est le mariage entre Halo et Mario. C'est une vidéo. C'est très, très beau. C'est génial. Hein? Allez voir ça. Une vidéo qui est très populaire sur Internet en ce moment, c'est celui de Tom Cruise en train de parler de Scientologie, l'église de la Scientologie. J'ai posté le lien. C'est supposé fonctionner encore, ça marchait hier. Donc téléchargez-le, regardez-le, partagez-le pour montrer aux gens ce qu'est la Scientologie. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, vous le déciderez vous-même, c'est pas moi de vous dire ça. Sur Internet, encore une fois, une genre de bande dessinée, si on veut, qui montre comment le logo chinois des Olympiques a été créé. Très, très drôle. Je sais pas si vous avez vu le logo des Olympiques, le logo chinois Beijing 2008. Là. Allez voir ça, vous allez voir que c'est pas mal de bon. Une vidéo d'une fille qui est en train de danser du ventre et qui fait tomber quelque chose sur elle, très très drôle, et elle a accroché. En tout cas, Je ne peux même pas vous décrire ça, ça gâcherait le punch complètement. Donc ça fait le tour pour ce qui se passe sur Internet. J'ai aussi posté quelques gadgets. On parle, entre autres, d'une pancarte. Vous savez, devant notre studio assez fou, on a une pancarte en onde. Toutes les stations de télé et de radio ont ça en onde. Là, c'est Sex in Progress. Vous pouvez acheter ça. Non. Sex in Progress, c'est vrai. C'est le fun. Un autre gadget, il y a une vidéo, là, c'est vraiment cool à voir. Tu places des boules de gomme sur une genre de planche et ça fait de la musique. C'est comme un genre de séquenceur ou je sais pas trop, ça fait des loops. C'est très, très beau. Le nouveau Etch a Sketch qui va être maintenant sur un écran. Si j'ai bien compris, Etch a Sketch sur un écran. En tout cas, je vous laisse aller voir ça parce que visiblement, on n'a plus de temps. Et ça donne à être la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté pour cette émission numéro 202 de la connexion. Je m'appelle Mathieu Plante. Allez voir le mplante. .webpress.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui et la balado-diffusion. Je vous retrouve au poste d'écoute les vendredis matins à 10h et au palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. La connexion est en direct les jeudis matins à 11h et en rediffusion les mardis suivants à partir de 9h. De la part de toute l'équipe fictive et non fictive de la connexion, je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux, bonne journée, bonne chance et restez à l'écoute pour la dernière porte à gauche le jeudi. Bye bye! Dash.com.